Radio Mont-Blanc, l'agenda. Radio Mont-Blanc, partenaire officiel des Pionniers de Chamonix, on vous offre vos invitations pour tous les matchs à domicile de la saison 2025-2026. Prochain match à la patinoire Richard Bozon, c'est demain à 20h. Les Pionniers affronteront les Dragons de Rouen. Pour gagner vos invitations, vous envoyez Pionniers sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc, 04 50 58 24 47. Et puis tout au long du mois d'octobre, octobre rose, l'entraide internationale des scouts de la région de Cluses vous donne rendez-vous pour 4 dimanches exceptionnels placés sous le signe de la convivialité. Des découvertes et des bonnes affaires. Rendez-vous les 5, 12, 19 et 26 octobre de 9h à 17h30 au 2204 avenue des Glières à Cluses. Chaque dimanche sera l'occasion de venir dénicher de belles trouvailles, des objets uniques, sélections originales et opportunités à ne pas manquer. Vous pourrez aussi profiter d'une restauration et d'une buvette sur place. Venez nombreux profiter de ces belles journées à Cluses tous les dimanches d'octobre.